Introduction à la Bible, la structure. La Bible est formée de deux parties bien distinctes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi ce terme « testament » ? Chacun sait que les dernières volontés d'une personne sont consignées dans un testament et que ses héritiers devront se conformer aux désirs exprimés dans ce document. Si la Bible contient deux testaments, c'est qu'elle nous transmet un double héritage dont Dieu nous rend bénéficiaires. L'Ancien Testament, qui est aussi appelé le livre de l'Ancienne Alliance, est un recueil contenant les dispositions établies par Dieu pour le peuple d'Israël en particulier, afin qu'il remplisse sa mission. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, est le document qui atteste le parfait salut offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La mort du testataire certifie la validité d'un testament. Or, dans le Nouveau Testament, la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix du calvaire nous assure les dons offerts par Dieu à l'homme. Pardon des péchés, paix du cœur, certitude pour l'au-delà. L'importance du Nouveau Testament est donc indéniable. Ces affirmations remplacent en quelque sorte les dispositions prises précédemment dans l'Ancien Testament. Néanmoins, il ne faut pas penser que l'on puisse dissocier les deux parties de la Bible ou négliger l'une d'elles en faveur de l'autre. Concentrer son attention sur l'Ancien Testament en écartant la révélation divine du Nouveau, c'est s'exclure des dons les plus remarquables que Dieu a accordés à l'homme. Éliminer l'Ancien Testament et n'attacher de l'importance qu'au Nouveau, c'est se priver d'un enseignement très précieux et surtout d'une révélation de base indispensable à la compréhension du Nouveau Testament. Effectivement, l'Ancien Testament prépare le Nouveau et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. À propos des deux Testaments, on peut fort bien évoquer la phrase biblique que Jésus-Christ a prononcée quant au mariage. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 6. Mais au-delà de ces deux parties distinctes de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il importe maintenant de nous pencher sur les grandes sections qui les subdivisent. Prenons tout d'abord l'Ancien Testament. Il s'ouvre par les cinq livres rédigés par Moïse que l'on appelle le Pentateuque. Ce sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ces livres constituent la base, le fondement de tout l'Ancien Testament. C'est là que Dieu communique à Moïse la loi, c'est-à-dire les ordonnances, qui devaient permettre à Israël d'accomplir sa vocation. Tous les autres livres de l'Ancien Testament montrent l'importance de cette loi divine dans la vie d'Israël. Avant d'aller plus loin, penchons-nous sur la table des matières du Nouveau Testament. Là aussi, certains livres en constituent la base. Ce sont les quatre évangiles, soit quatre récits qui racontent la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les écrits apostoliques qui forment la suite du Nouveau Testament dépendent en quelque sorte de la révélation de Jésus-Christ présentée par les quatre évangiles, en particulier de sa mort expiatoire à la croix du calvaire et de sa résurrection. C'est pourquoi les quatre évangiles sont le fondement du Nouveau Testament. Admirons cette parfaite symétrie. Nous avons dans chacun des testaments une base. Pour l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque. Pour le Nouveau Testament, ce sont les quatre évangiles. Reprenons maintenant la table des livres de l'Ancien Testament. Après les cinq livres de Moïse, vous verrez une liste de 12 livres qu'on appelle historiques. Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ces textes couvrent 9 ou 10 siècles d'histoire nationale d'Israël, depuis l'entrée dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué, jusqu'aux captivités des Israélites chez les Assyriens et les Babyloniens, et leur retour en terre promise sous Esdras et Néhémie. Ces livres dépeignent le cadre historique des sections suivantes de l'Ancien Testament. Le mot « histoire » peut donc désigner cette importante partie de l'Ancien Testament. Or, il existe aussi une section historique dans le Nouveau Testament. Elle se limite toutefois à un seul livre, celui des Actes des Apôtres, qui, en 28 chapitres, résume l'histoire de l'Église primitive. La lecture du livre des Actes, et surtout celle des récits des voyages de l'apôtre Paul, nous permettront de mieux comprendre la suite du Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les écrits apostoliques adressés aux différentes églises du premier siècle de l'ère chrétienne. Mais revenons à l'Ancien Testament. Suite aux livres historiques énumérés tout à l'heure, la table des matières présente 5 livres qu'on appelle poétiques. Job, les psaumes, les proverbes, l'ecclésiaste et le cantique des cantiques. Cette section est essentiellement didactique, c'est-à-dire consacrée à l'enseignement. Il s'agit d'une instruction complémentaire à la loi de Moïse qui montre comment mettre cette loi en pratique. Nous sommes à nouveau en présence d'un fait commun aux deux testaments, après l'histoire, la doctrine. Après la description des circonstances, l'enseignement approprié à ces circonstances. Ainsi, pour le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres ont pour cadre les scènes décrites dans le livre des Actes. Dieu inspire à ses serviteurs un enseignement doctrinal touchant tous les domaines de la marche de l'Église, proposant ainsi à l'avance aux croyants de tous les siècles les principes fondamentaux de la vie et de l'éthique chrétienne. Après la doctrine, la prophétie. La quatrième section de l'Ancien Testament comprend 17 livres prophétiques dont vous avez la liste dans la table des matières de votre Bible. Souvenons-nous que les prophètes ont joué un rôle fort important en Israël, surtout lorsque ce peuple s'est éloigné de l'Éternel et a renié les commandements de son Dieu. Ils l'ont averti des jugements consécutifs à ses désobéissances, mais ils ont surtout annoncé l'espérance de jours meilleurs, concentrant leur attention sur la venue de Jésus-Christ, le Messie promis. Ce n'est donc pas étonnant que cette section prophétique s'étende sur une partie importante de l'Ancien Testament. Il convient de citer ici un magnifique passage de la première épître de Pierre qui montre quelle était la préoccupation majeure des prophètes de l'Ancien Testament. Nous lisons, première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, le salut en Jésus-Christ, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Oui, les prophètes de l'Ancien Testament étaient pénétrés de l'Esprit de Christ qui leur révélait d'avance ses souffrances à la croix et sa gloire future. Permettez-moi de recourir ici à une image. Je vous parle de mon bureau et j'ai sous les yeux un caillou trouvé dans les Alpes. De prime abord, on se demande ce qu'il peut avoir d'intéressant car il est d'apparence terne. Mais si j'allume la lampe électrique qui se trouve à proximité, ce caillou scintille de 1000 feux parce qu'il est couvert de minuscules schistes de mica que l'on ne pouvait voir à moins d'un faisceau lumineux dirigé sur eux. Or, l'Ancien Testament apparaît à beaucoup un peu comme ce caillou terne et peu intéressant. Sa lecture est ardue et parfois on en saisit difficilement le sens. Mais que la lumière de Jésus-Christ éclaire l'Ancien Testament et toute cette révélation s'illuminera pour vous au point de faire rayonner la personne de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, sur votre vie. À titre d'exemple, les sacrifices offerts sous le régime lévitique illustrent d'avance le plus grand des sacrifices, celui que Christ a accompli pour nous à la croix. De nombreux personnages décrits dans l'Ancien Testament préfigurent le Fils de Dieu, soit dans sa première venue sur la terre pour mourir, soit dans son retour glorieux pour y régner. Et tous les prophètes ont entrevu Christ, soit comme homme de douleur, soit comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ est la clé qui nous ouvre la compréhension de tout l'Ancien Testament. Mais revenons au sujet de notre étude, donc la symétrie des deux testaments. Dans le Nouveau Testament, il est aussi une section prophétique. Elle se limite toutefois à un seul livre, l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ lors de sa deuxième venue, c'est-à-dire dans la perspective des jugements qui viennent et du règne glorieux du Fils de Dieu ici-bas. Base, histoire, doctrine, prophétie. Ces quatre mots peuvent donc définir les quatre sections des deux testaments. Je récapitule. Pour l'Ancien Testament, base, les cinq livres de Moïse. Histoire, les 12 livres suivants de Josué à Esther. Doctrine, les 5 livres poétiques de Job au Cantique des Cantiques. Enfin, prophétie, les 17 derniers livres en liste, Ésaïe à Malachie. Pour le Nouveau Testament, base, les 4 évangiles. Histoire, le livre des Actes. Doctrine, les 21 épîtres apostoliques. Prophétie, l'Apocalypse. L'extraordinaire harmonie qui règne entre les deux testaments prouve bien que dans leur diversité, les saintes écritures ont été conçues selon un plan admirable dont Dieu seul peut être l'auteur. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même l'a authentifiée dans toutes ses parties. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette profonde vérité. Vous pouvez faire pleinement confiance à l'Écriture sainte. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, le Seigneur Jésus pria son Père pour ses disciples en ces termes. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je leur ai donné ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.